Le fond et la forme, de contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le fond et la forme, à Édouard Fournier. Que faut-il préférer du style ou de l'idée? La question n'est pas encore élucidée. Je sais bien que plus d'un va s'écrier d'abord « Il faut avoir les deux !» J'en demeure d'accord. C'était aussi l'avis du feu monsieur Prudhomme. Mais enfin, on n'est pas parfait, on n'est qu'un homme. Et j'en connais plus d'un parmi les plus fameux qui n'a ni l'un ni l'autre au lieu d'avoir les deux. Tels furent du Tilleul et du Chêne et de l'Orme, mais revenons au fait du fond et de la forme. Il arriva qu'un jour le procès fut porté devant un tribunal compétent. D'un côté le tisserand, vêtu d'une ample souquenille, de l'autre le tailleur, armé de son aiguille, laquelle avait du fil bien s'entend. Car enfin, une aiguille sans fil, c'est un flacon sans vin. Le tailleur eut toujours la parole facile. Le nôtre commença. « Monsieur, ma main habile des tissus les plus vils et des corps les plus lourds corrige les défauts en de nobles contours. Pour moi, la fantaisie ouvre ses larges ailes en créant des patrons et des modes nouvelles. Redresseur des travers et tuteur des vertus, j'attire la faveur sur les gens bien vêtus. Mes modèles s'en vont de Paris jusqu'à Rome. Je gouverne la mode, et si l'habit fait l'homme, que sera, s'il vous plaît, celui qui fait l'habit ? » Le tailleur s'éloigna. Le drapier répondit. « Moi, monsieur, je n'ai pas la langue à la rubrique. Voici mon drap, touché. Il est de ma fabrique. Je le trouve bien fait, solide et pas trop cher. Il est souple à la main et me tient chaud l'hiver. N'est-ce pas votre avis que le plus philosophe pour avoir un habit a besoin d'une étoffe ? Vous voyez que je suis l'aîné. Le tisserand est en premier en date, a droit au premier rang. » « Mon ami, répondit le tailleur, tu radotes. Le drap est à l'habit comme le cuir aux bottes, l'objet matériel n'ayant d'autre valeur que celle que lui donne un esprit novateur. Que dis-je? Plus ton œuvre est grossière et mauvaise, plus mon génie éclate à faire qu'elle plaise. Qu'importe le tissu sorti de ton métier, je coudrai s'il le faut des habits en papier. C'est par moi, non par toi, qu'un vêtement existe. Tu n'es que l'artisan. C'est moi qui suis l'artiste. » Le tisserand resta quelque temps interdit, mais bientôt, reprenant son calme, il répondit « Importe, mon ami, ton fil et tes aiguilles. Fais des colifichets pour les petites filles. Tu pourras bien aussi, pillant de tous côtés, coudre avec des chiffons une veste d'été. Encore faut-il l'étoffe ? Et quand viendra décembre, quel est celui de nous qui gardera la chambre ? Moi, n'ayant que mon drap, j'en coupe un grand morceau et, faute d'un habit, je m'en fais un manteau. » Ce petit plaidoyer termina la séance. Les juges prirent temps pour rendre leur sentence. Entre nous, je sais bien pour qui j'aurais penché, mais comme il ne faut pas se montrer entiché de son opinion, je conviendrai qu'en somme, le tribunal jugea comme monsieur Prudhomme. Depuis, les deux plaideurs, c'est une chose à remarquer, apprirent l'un à coudre et l'autre à fabriquer. Fin de Le fond et la forme.